Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer 10 secrets de millionnaires jamais dévoilés. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont devenues millionnaires. La France connaît la deuxième plus forte augmentation mondiale du nombre de millionnaires. Cela peut vous étonner, mais je rencontre certains d'entre eux tous les jours de la semaine et vous aussi. Mais nous ne le savons pas. Ils ont conquis leur indépendance financière, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Ils conduisent une petite Renault, Peugeot ou Citroën. Ils ont une vie parfaitement normale, ils ne s'habillent pas différemment, ils n'ont pas de fantaisie particulière. Et pourtant, ils sont depuis longtemps dans une position de quitter leur emploi et de vivre selon leurs propres termes s'ils le désirent. Vous voudriez devenir millionnaire comme eux? Alors venez prendre ces 10 habitudes qui pourraient changer votre vie. Mais ils pourraient vous surprendre, car ils ne sont pas si mystérieux que vous le pensez. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une surprise vous attend. Elle va changer votre vie. 1. La stabilité d'emploi. Contrairement à la croyance populaire, il y a très peu de millionnaires qui ont gagné au loto. Et encore moins qui font fortune en un mois pendant le boom de l'internet. Non, la majorité d'entre eux sont des gens qui sont restés chez le même employeur pendant très longtemps, parfois 30 ou 40 ans. Rester dans la même entreprise pendant de nombreuses années peut offrir de grandes récompenses, dont de très beaux salaires, des prestations de retraite significatives et de magnifiques avantages extra-légaux. Même s'il semble étrange de penser à travailler pour le même employeur pendant 2 décennies ou plus, il y a encore de nombreuses personnes qui font cela, y compris les enseignants et les autres fonctionnaires. Et ils n'ont pas tort. 2. L'épargne continue. Les riches, dans leur majorité, ont commencé à épargner au moins 15% de leurs revenus dès qu'ils ont commencé à gagner de l'argent. Les dépenses excessives à ne pas réfléchir n'ont jamais fait leur preuve pour devenir millionnaire. 3. Épargner ses augmentations. Même si gagner ses premières augmentations est un très grand moment, ne dépensez pas tout. Alors qu'il serait si facile de dépenser cet argent supplémentaire pour une nouvelle voiture ou des vacances, un des grands secrets des millionnaires est d'épargner au moins la moitié des augmentations de salaire. Mais par exemple, ces euros peuvent être utilement investis en fonds de placement pour vous faire fructifier votre argent et devenir riche plus vite. 4. Investir. Épargner ne suffit pas, il faut aussi investir. Les millionnaires ont tendance à conserver leurs placements en majorité des actions boursières pendant plusieurs décennies. Ils investissent leurs dividendes et participent ainsi à la croissance à long terme de notre économie. Ça les rend différents des épargnants qui investissent uniquement dans des livrets d'épargne ou des assurances-vie, qui ne rapportent quasiment rien. Les millionnaires ont appris à placer leur argent. 5. Les millionnaires sont propriétaires de leur logement. Louer est une catastrophe financière et le pire des tours pour accéder à la liberté financière. Vous ne deviendrez jamais riche si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement. Les riches savent et font tout pour devenir plus rapidement propriétaires de leur résidence principale. La plupart des gens riches achètent des logements qui ne sont pas surévalués ou trop extravagants. 6. Ne pas être sensible aux achats de prestige. Les millionnaires ont tendance à être conservateurs dans leurs dépenses et n'achètent pas des manteaux de bison et des bijoux tous les jours. Très peu de millionnaires possèdent une BMW ou une Mercedes, des montres chères, des vêtements à la mode. 7. Pas d'endettement. Au plus d'endettement vous avez, au plus les taux d'intérêt que vous devrez payer sur votre prêt hypothécaire et les prêts voitures sont élevés. Les riches ne considèrent pas l'emprunt pour acheter son logement comme une dette, mais comme une épargne, car il sait que louer lui coûtera toujours plus cher sur le long terme, et qu'un loyer est en fait une dette sans contrepartie. C'est un des grands secrets des millionnaires. 8. Déterminer ses objectifs. Les gens riches déterminent et hiérarchisent leurs objectifs et décident comment les exécuter. Les millionnaires ont une vision claire de ce qu'ils veulent et prennent les mesures nécessaires pour y arriver. Ils ne disent pas « je n'ai pas les moyens pour faire cela », mais plutôt « comment puis-je arriver à avoir les moyens pour faire cela ?» 9. Et ils investissent en immobilier. Nous l'avons vu, il est impossible de devenir riche sans être propriétaire de son propre logement. Ceux qui ont bien compris ça deviennent le plus rapidement possible propriétaires de leur résidence principale et investissent ensuite en immeubles de location pour devenir riches aux frais de leurs locataires. Et ils le font dans cet ordre. D'abord leur propre logement, puis l'investissement locatif. Prenez du recul face à certains conseillers. Beaucoup vont vous conseiller de faire le contraire, alors que ce n'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Ces gens ne savent pas ce qu'ils disent. 10. Ne pas avoir peur de demander des conseils. Un des grands secrets des millionnaires est qu'ils n'ont jamais peur de demander des conseils. Ils communiquent avec des experts, ils lisent leurs livres et ils achètent des formations. Pour résumer, parmi tous les secrets des millionnaires, il y en a un qui est important à bien comprendre. Chaque euro que vous dépensez a une utilité. Et c'est cette utilité qui est importante. Retenez bien cette phrase, elle vous servira dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres secrets par rapport aux millionnaires. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Cet e-book va changer votre vie. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie.